إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 26 dans l'explication de Masail al-Jahiliya avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et le point qu'on commence à expliquer aujourd'hui, c'est le point numéro 81. Al-Mas'alatul Hadiyatu wa Thamanun. Et le titre de ce point, ou le thème, c'est Al-Ghuluw fi Athar al-Anbiya. C'est-à-dire le fait d'exagérer dans ce que les prophètes laissent après eux comme, comme on dit en français, les reliques, hein, et les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touchées, ou les endroits où il est allé durant sa vie. Il y a des gens qui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, font de ces objets ou de ces choses, hein, des endroits où il faut aller ou des choses de ce genre, hein. Et ils prennent ces choses-là comme étant des lieux de pèlerinage ou des choses comme ça. Donc on va expliquer qu'est-ce qui a rapport avec ces choses-là, inshallah. Le Cheikh il dit ittikhaz, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ittikhaz athar anbiya'ihim masajid kama dhukira an Umar. Le fait qu'ils prennent les choses, que les traces de leurs messagers ou de leurs prophètes comme lieu de culte, comme ça a été mentionné selon Omar. Donc il explique, il dit min din ahli al-jahiliyyah, ou min din al-jahiliyyah, Cheikh al-Fawzan il explique ça, il dit min din al-jahiliyyah ittikhaz athar anbiya'ihim masajid ay yusalluna 'indaha tabarrukan biha, wal farq bayna hadhihi wallati qablaha an allati qablaha ghuluwun fil ashkhas. وهذا غلو في آثار الأشخاص، والآثار جمع أثار، وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو صلى فيه، فيتتبعون هذه المواطن فيتعبدون فيها لله، يظنون أن الصلاة فيها فضيلة، مثل الذين يذهبون الآن إلى غار حراء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان تعبد فيه قبل البعثة، فهم يذهبون إليه للصلاة والدعاء فيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعد البعثة، ولا أحد من صحابته الكرام ذهب إلى غار حراء لعلمهم أن ذلك غير مشروع. Donc le cheikh explique que يعني, parmi les choses qui font partie de la religion des gens de la jahiliya, il y a le fait qu'ils prennent les reliques ou les traces de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, les lieux de culte. C'est-à-dire que lorsqu'ils savent qu'un prophète ou un messager a prié à un endroit spécifique, eh bien, ils font exprès pour aller prier à cet endroit-là. Ou s'ils savent qu'il s'est assis à tel endroit, ils font exprès pour aller s'asseoir à cet endroit-là, eux aussi, ou aller prier à cet endroit-là, dans le but d'obtenir de cette chose, de cette chose-là ou de cet endroit, une baraka. Et la différence entre le chapitre précédent et ce chapitre-ci, c'est que le chapitre précédent qu'on a fait au dernier cours, on a parlé de l'exagération au sujet des personnes. On exagère sur les personnes. Maintenant, dans ce chapitre, on parle du fait que certaines personnes exagèrent au sujet des traces que ces personnes-là ont laissées. Donc, le terme qui est utilisé par les, quand je dis les traces, c'est al-athar. Al-athar, c'est le pluriel du mot athar. Et le cheikh, il dit que c'est l'endroit où on s'assoit, ou plutôt l'endroit où s'est assis un prophète, où il a prié, hein, un endroit où il a prié, ou un endroit où il s'est assis, hein, où il a fait quelque chose de spécifique à cet endroit-là. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent tous ces endroits-là pour suivre, pour aller à tous ces endroits, pour aller adorer Allah dans ces endroits spécifiques. Et ils s'imaginent que de prier dans ces lieux-là, eh ben, ça a un mérite spécifique, ou ça a quelque chose de spécial. Donc, comme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsque certains vont à Mecca? Ils vont visiter la caverne de Hira, l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril la première fois. Hein, il allait là-bas avant d'avoir été envoyé dans sa mission prophétique. Hein, parce qu'il allait adorer Allah à cet endroit-là avant. Donc eux, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont là-bas pour faire la salat et pour faire des du'as. Mais le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne visitait pas cet endroit-là après avoir été envoyé dans sa mission prophétique. Et personne d'entre ses compagnons, personne d'entre ses nobles compagnons n'allait à cette grotte également. Personne d'entre eux n'allait à personne d'entre eux allait à la grotte de Hira, car ils savaient que de faire une telle chose, c'était pas légiféré et que c'était pas permis de le faire. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Ils vont à Mecca, tu les vois, ils montent la montagne, ils s'en vont jusqu'à Hira. Hein? Ça fait partie des innovations que les gens pratiquent. Hein? Ensuite, le cheikh il dit وكذلك يذهبون الى غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجره ويصلون فيه ويضعون فيه الطيب وربما يرمون فيه النقود فهذا كله من دين الجاهليه فالجاهليه هي التي تعظم آثار أنبيائها ولذلك يقول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة البيعة إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم ثم أمر بقطع الشجرة وهذه الأماكن لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع أما الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع مثل صلاته عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإنها تشرع الصلاة فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أما جلوسه في غار حراء وفي غار ثور أو جلوسه في الطريق بين مكة والمدينة للاستراحة فهذا لم يفعله من أجل التشريع وإنما فعله اتفاقا وللحاجة. Donc le cheikh explique que tout ça, ça fait partie des exemples de la jahiliya. Le cheikh dit les gens qui vont à la grotte de Thawr dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est caché lorsqu'il a fait sa hijra, hein, lorsqu'il partait pour faire la hijra, il s'est caché dans la caverne de Thawr. Et les gens, parmi les gens qui vont, lorsqu'ils vont faire le hajj, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à cette grotte pour la visiter, et ils vont prier à cet endroit-là et ils mettent du parfum ou d'autres genres de choses et ils jettent même des fois des pièces de monnaie à l'intérieur. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec avec les choses qui font partie. Ça n'a rien à voir avec l'islam de faire des choses comme ça. Ça, c'est des exemples de qu'est-ce que faisaient les gens dans la jahiliya. Cheikh il dit ensuite wa hadha kulluhu min din al jahiliya. Tout ça, ça fait partie de la religion des gens de la jahiliya. Il dit parce que la jahiliya, c'est elle qui incite à ce que les gens exagèrent et vénèrent les traces de ce que les prophètes ont laissé. Et il dit donc que c'est ainsi que Omar radiallahu anhu, il a dit lorsqu'il a vu certaines personnes aller à l'arbre de la Bay'a, l'arbre où ils ont fait le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a remarqué que il y a des gens qui allaient à cet arbre-là. Donc, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit les gens avant vous ont uniquement péri lorsqu'ils ont commencé à suivre les traces de leurs prophètes. Et quand on dit les traces de leurs prophètes, c'est-à-dire commencer à suivre les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et qu'il ne les a pas fait dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait dans le sens que ça, c'est arrivé comme ça par coïncidence qu'il était à cet endroit-là à tel moment, il s'est assis à tel endroit pour se reposer ou il a prié à tel endroit parce qu'il était à cet endroit-là à ce moment-là, non pas parce que cet endroit a un mérite spécifique mais parce qu'il était à cet endroit-là et c'est tombé comme ça. Donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces endroits-là ou ces choses-là comme des lieux de pèlerinage. Donc, comme par exemple l'arbre de Bay'at, Shajarat al-Bay'a. Les gens allaient là-bas, puis commençaient à prendre l'arbre comme un objet de baraka et des choses comme ça. Alors, Omar, radiallahu anhu, il a dit cette parole. Il a dit, les gens ont commencé à périr avant vous. Les gens ont uniquement péri avant vous à cause du fait qu'ils ont suivi les traces de leur prophète de cette manière. Puis il a ordonné qu'on coupe l'arbre, que cet arbre-là soit coupé. Il dit en ce qui concerne les endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu l'intention spécifique d'aller à ces endroits-là pour faire une adoration spécifique et que dans le sens que s'il est allé à un endroit et où il s'est assis à un endroit, comme je disais tout à l'heure, non pas parce que c'est un endroit spécifique qui a été où il a été légiféré d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière claire dans la révélation, mais juste parce que il s'est trouvé à cet endroit-là à ce moment-là et donc il a fait telle chose à cet endroit-là, où il a prié, où il a mangé, où il a dormi, où il a fait quelque chose d'autre, mais que ce soit pas quelque chose qui a été légiféré dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas dit au sujet de cet endroit-là qu'il y avait un mérite spécifique de prier là. Il nous a pas dit que il y avait quelque chose de recommandé à faire à cet endroit-là ou d'obligatoire à faire à cet endroit-là. Alors dans ce cas-là, c'est pas permis pour nous de prendre ces endroits-là et d'en faire des endroits spécifiques pour l'adoration. Puisque c'est pas légiféré de faire ces choses-là à ces endroits-là en particulier. Donc, il y a des gens qui exagèrent au sujet des personnes, des individus, comme les prophètes et les hommes pieux et les hommes saints, et il y a d'autres personnes qui exagèrent au sujet des lieux et des endroits. Ok, donc il faut faire attention à ces deux formes d'extrémisme, à ces deux formes d'exagération là. Ensuite, le cheikh il dit, en ce qui concerne les endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ciblé spécifiquement, dans le sens que c'est des endroits où il y a un ordre ou une recommandation qui a été faite pour prier dans ces lieux là. Hein? Dans le sens que Allah a ordonné de prier dans ces endroits-là ou de faire une adoration spécifique à cet endroit-là. Alors là, dans ce cas-là, c'est permis de le faire. Et même ça peut être recommandé ou obligatoire. Comme par exemple, le fait de prier derrière Maqam Ibrahim à Mecca. En implémentant le verset 125 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et prenez du Maqam Ibrahim un lieu de prière, un lieu pour faire la salat. » Donc, le lieu où Ibrahim s'est tenu pour construire la Kaaba. On fait de cet endroit-là un lieu où on peut prier parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc, de faire ça, c'est pas une innovation, parce que ça a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, les autres exemples, comme on a donné tout à l'heure, ça c'est pas quelque chose qui fait partie de la législation. Comme par exemple, d'aller s'asseoir dans la caverne de Hira, ou d'aller prier là-bas, ou dans la caverne de Thawr. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait sa hijra, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté sur le chemin de la hijra. Donc, tout ça, d'aller s'asseoir dans ces endroits-là, ou d'aller s'asseoir sur le chemin entre Mecca et Médine, à l'endroit où il s'était reposé, tout ça, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas fait dans le but, yani, de légiférer d'aller dans ces endroits-là. Mais il les a fait, et c'est tombé comme ça, par coïncidence, ou pour un besoin quelconque, et il n'a pas spécifié un mérite ou quelque chose de particulier d'aller à ces endroits-là. Donc, de faire de ces endroits-là des endroits de pèlerinage ou de visite, c'est pas permis. Ça rentre dans l'innovation. Et donc, le cheikh dit, « فيجب أن يفرق بين هذا وهذا » فالأماكن التي لم يقصدها للتشريع وإنما مر بها أو جلس فيها من باب العادة أو للاستراحة أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد لها فإنه لا يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مصلى لأنه فعله لا من باب القصد وإنما فعله لأن الصلاة أدركته في هذا المكان فصلى فيه وهذا المكان وغيره سواء من الأرض ليس له ميزة ولأن تتبعها يحدث الوثنية فيما بعد بتبرك الناس به ويقصدونه من بعيد ويسافرون إليه فيحصل في ذلك ما حصل في الأمم السابقة من الشرك وربما يبنى عليه وهناك من يطالبون الآن بذلك ويقولون ابنوا على الآثار التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس فيها وابنوا عليها من أجل الذكرى وهذا كلام باطل ونحن لا نفعل شيئا لم يفعله سلفنا الصالح ولو كان هذا مشروعا لسبق إليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم وما هلكت الأمم إلا بمثل هذه الأفعال فإحياء أثار المعظمين يجر إلى الوثنية كما حدث في قوم نوح والأمم السابقة ولا يقال إن الناس الآن على وعي من دينهم فلا يخاف عليهم لأنها تأتي أجيال جاهلة فيزين لها الشيطان الوثنية ولأنها لا تؤمن الفتنة على أحد كما قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Donc le cheikh explique que c'est obligatoire donc de faire la distinction entre les endroits qui ont été légiférés comme lieux d'adoration et les autres endroits qui n'ont pas été désignés comme étant ordonnés par la révélation ou recommandés par la révélation d'aller adorer dans ces endroits-là. C'est-à-dire, c'est pas légiféré hein, d'aller prier dans ces endroits-là. C'est juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par ces endroits-là, ou bien il s'est assis dans cet endroit-là par habitude, ou bien pour se reposer, ou bien que c'est arrivé qu'à ce moment-là, c'était une coïncidence que la prière coïncide avec le fait qu'il soit à cet endroit. Et sans qu'il ait eu l'intention de prier à cet endroit-là spécifiquement, il a fait la prière parce qu'il était à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc on n'a pas le droit de prendre cet endroit-là comme endroit pour prier spécifiquement. S'il y a une preuve, un texte qui justifie de prier à un endroit spécifique, dans ce cas-là, c'est correct. Mais s'il n'y a pas de preuve pour désigner un endroit de façon spécifique comme un endroit pour prier, alors ça, c'est pas correct. Et je me souviens quand j'étais à Médine, souvent quand on allait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que des gens venaient pour faire le hajj ou la umrah, hein, souvent ils ne savent pas, donc ils arrivent et ils voient des gens faire des choses, alors ils veulent tous le faire. Et il y a un endroit, à côté du minbar, où les gens ils font la queue pour aller faire deux rakats à cet endroit-là. Je me souviens, je voyais les gens, ils étaient tous là en ligne, un derrière les autres, attendant que un d'entre eux termine de faire ses deux rakats pour que lui-même puisse aller faire ses deux rakats à cet endroit-là. Et cet endroit-là n'a aucun mérite spécifique, hein, parce que c'est pas dans le rawda, c'est à l'extérieur du rawda, hein. Et donc, on voit que les gens font juste imiter ce que d'autres font des fois, sans savoir est-ce que ce qu'ils font est légiféré ou non. Et souvent c'est comme ça. Les gens sont toujours prêts à suivre et imiter les autres, même si ce qu'ils font n'a aucune source ou aucune référence. Et surtout si la personne qui fait la chose a une apparence pieuse ou religieuse, donc les gens dans ce cas-là, ils vont même plus poser de questions, ils vont dire si un tel fait telle action, donc ça veut dire que c'est correct. Alors que cet individu-là, peut-être qu'il a une belle apparence, mais qu'en même temps, il n'a aucune science et qu'il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc, c'est arrivé que, comme on disait, le prophète s'en a prié dans un endroit sans vraiment vouloir prier, sans que ce soit voulu. Il a prié là parce que ça a coïncidé que la prière est arrivée et qu'il était à cet endroit-là. Alors on n'a pas le droit de prendre cet endroit-là spécifiquement comme un lieu de prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, non pas de façon volontaire, de façon voulue, mais c'est arrivé comme ça. Donc, il dit, le cheikh, que cet endroit-là, il est équivalent à tous les autres endroits sur la terre. Elle n'a pas de particularité. Et donc, le fait de suivre ces différentes choses-là, d'aller là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé, puis d'essayer de faire des prières à ces endroits-là spécifiquement, ça amène les gens à tomber dans l'idolâtrie à la fin. Parce que les gens, par la suite, vont chercher la bénédiction dans ces endroits-là, et ils vont partir même des fois de leur pays ou de très loin, spécifiquement pour aller voyager, faire des pèlerinages à ces lieux-là. Et donc, qu'est-ce qui arrive comme conclusion par la suite? C'est que les gens font la même chose, que les commencent à faire des actes de shirk, comme les peuples précédents faisaient également par la suite. Et il se peut même que les gens commencent à construire des bâtiments, hein, sur ces endroits-là. Et il y en a même aujourd'hui, le cheikh dit, il y en a même aujourd'hui qui demandent à ce que des bâtiments ou des monuments soient construits dans ces différents endroits-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, où il s'est assis. Donc ils réclament que on construise des bâtiments ou des monuments dans ces endroits-là pour le souvenir, hein, pour se souvenir pour les générations futures, soi-disant. Hein? Et ça, c'est une parole qui est totalement fausse. Il dit, nous, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit de ce que nos salafs salih n'ont pas fait. Hein? Le cheikh, il dit, si de faire une chose pareille, c'est légiférer, alors les sahaba nous auraient précédés, de même que les tabi'oun et ceux qui sont venus après eux. Ils l'auraient fait avant nous, si c'était bien. Et les peuples avant nous n'ont pas péri, excepté à cause de ce genre de pratique. Hein? Donc, de faire revivre les reliques des hommes, des grands hommes, hein, qui ont vécu dans le passé, hein, ça amène les gens à tomber dans l'idolâtrie. Et je me souviens, juste en passant une petite note, hein, une fois je suis allé prier dans le centre-ville, dans une mosquée où ils font la Jumu'a là-bas pour les étudiants. Et après la Jumu'a, ils distribuaient un journal. C'est un journal, comme un genre de journal, mais c'est un journal publié par les Ikhwan. Et je lisais à travers les articles de ce journal-là, et ils ont mis un article dans lequel ils accusaient ceux qu'ils appellent les Wahhabites. Hein, ils disaient, ces Wahhabites-là, ils veulent détruire les reliques, hein, et les monuments. Ils appellent ça les athars, justement. Donc, c'est comme en voulant dire, ça c'est notre patrimoine, ça c'est nos monuments qui ont été construits pour nos hommes pieux, nos prophètes, et eux, ils veulent les détruire. Donc, c'est comme les koufars et Annie, quand ils, dans leur pays, ils veulent défendre certains bâtiments ou certaines constructions, eux, ils disent, maintenant, dans les pays musulmans, comme lorsqu'il y a des endroits qui ont été construits sur les tombes, hein, où les gens vont faire du shirk, ou bien où il y a des endroits qu'ils appellent des mashahid, hein, donc, ou bien des monuments qu'ils ont construits comme ça pour rappeler qu'à ces endroits-là, il est arrivé quelque chose ou quoi. Donc, quand le gouvernement saoudien ordonne de détruire ces endroits-là ou ces choses-là, eux, ils protestent à ça, puis ils commencent à dire, ça c'est les Wahhabites, ils veulent détruire les reliques, ils veulent détruire nos monuments historiques, ou bien nos trucs de ce genre. Sans prendre en considération le fait que ce sont des choses qui sont des innovations, que ce sont des choses qui amènent les gens à l'exagération, au sujet des personnes, ou au sujet des lieux, et que ça les fait tomber dans le shirk. Donc ces gens-là, on voit comment il y en a. Ils utilisent ce genre d'arguments-là pour tromper les gens qui ont peu de compréhension et peu de connaissances à ce sujet-là. Donc, le cheikh, il dit, de faire revivre ces monuments-là et ces choses-là, ça fait en sorte que les gens tombent dans l'idolâtrie par la suite, comme cela était arrivé avec le peuple de Noé et les peuples qui nous ont précédés. De même que on ne doit pas dire non plus que aujourd'hui les gens ils ont compris ces choses-là dans leur religion, hein, ils comprennent le shirk, ils comprennent l'idolâtrie, donc on n'a plus besoin de craindre, hein, le shirk, on n'a plus besoin de craindre l'idolâtrie et ces genres de choses-là. Le cheikh il dit on n'a pas le droit de dire ça, puisque il est possible qu'il y a une autre génération qui va suivre, qui va être ignorante. Et le shaitan va leur embellir l'idolâtrie. Et donc, ce n'est pas permis de dire ce genre de paroles, parce que, de toute façon, on n'est jamais en sécurité contre la fitna. Il n'y a personne qui peut dire « je suis en sécurité contre la fitna ». Et même notre prophète, le prophète Ibrahim al-Khalil, alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Comme c'est mentionné dans le verset 35 dans Surat Ibrahim, Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, c'est-à-dire écarte-moi ainsi que mes fils de l'adoration des idoles. Donc si lui cherchait le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre ce genre de shirk, alors nous on devrait encore plus faire des efforts pour demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce genre de shirk. Le cheikh il dit ensuite, dans le point suivant, c'est le point 82, اتخاذهم لوسائل الشرك. Ils prennent des choses qui sont des moyens vers le shirk. Ils font des choses qui amènent au shirk. Le cheikh il dit, اتخاذهم السرج على القبور. Ils illuminent les tombeaux et les cimetières et les choses de ce genre. Donc on va lire qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit اتخاذ السرج على القبور أن يجعل فيها أنواع من المصابيح والفوانيس أو الكهرباء على شكل قناديل لأجل الزيارة ولا يجوز هذا لأنه من أسباب الشرك وإذا احتاج الناس إلى النور من أجل دفن ميت فإنهم يأتون معه بسراج أو فانوس بقدر الحاجة أما أن يجعل في المقبرة أعمدة وكهرباء وتنور فهذا منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والحديث في السنن ولعن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يدل على أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال واللعن يفيد أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. Le cheikh explique, il dit que il y a parmi les exemples comme les actes de la jahiliya, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné le fait de mettre des éclairages, des lumières ou des chandelles ou des lanternes dans les cimetières ou bien là où il y a des tombes, de les éclairer. Donc il explique ça, il dit اتخاذ السرج على القبور, c'est-à-dire de prendre des chandelles ou des lanternes sur les tombes, c'est-à-dire de mettre de la lumière, d'éclairer les tombeaux, soit par des lanternes à l'huile ou des lampes, des chandelles, ou bien avec de l'électricité même. Et ils font des sortes de petites lumières comme des petites chandelles ou des petites bougies. Et puis, ils mettent ça dans le but de pour que les gens viennent visiter les tombes. Et il dit le shirk que ça c'est pas permis, puisque c'est parmi les causes du shirk. C'est des choses qui amènent les gens à tomber dans le shirk. Et si les gens ont besoin de lumière pour aller faire enterrer le mort dans le cimetière, eh bien dans ce cas-là, ils vont ramener avec eux une lanterne selon le besoin. Donc ils la ramènent durant le temps qu'ils déposent le corps dans la tombe, dans le trou, puis le temps de refermer le trou, puis par la suite, ils ramènent avec eux la lanterne, ils vont pas ou la lumière, ils vont pas rester avec ou la fixer dans le cimetière pour dire aux gens par exemple pour qu'ils viennent visiter les tombes la nuit ou des choses comme ça. Donc ça c'est pas permis. Et le cheikh il dit donc que فَإِنَّهُمْ يَتُونَ. Donc c'est ça. Donc si les gens ont besoin, ils ramènent la lumière pendant le temps qu'ils ont besoin, puis après ils retournent avec, selon ce qu'ils ont besoin de faire. Mais de mettre des poteaux électriques dans les cimetières, puis d'illuminer les cimetières et les tombeaux, ça c'est pas permis, ça a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', le hadith 5109. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les visiteuses des tombes, les femmes qui visitent les tombes, et ceux qui mettent mosquées qui font des lieux de culte à ces endroits-là et qui les éclairent avec des chandelles. Donc, ça c'est le hadith qui est mentionné par le cheikh ici. Et le cheikh, il dit que ce hadith-là indique en plus que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la malédiction des femmes qui visitent les tombes, ça indique que c'est interdit pour les femmes de visiter les cimetières. Hein, elles peuvent pas visiter les cimetières. C'est uniquement permis pour les hommes. Et il dit que le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la malédiction pour la femme qui visite les tombes, alors ça c'est la preuve que de visiter les tombes pour une femme c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés. Et étrangement, on remarque que dans les pays musulmans où les gens visitent les tombes et les saints, ceux qui font le plus ce genre de pratique-là, ce sont les femmes. Hein? Allah al-Musta'an. Le cheikh, il dit ensuite, « وَلَعَنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ أي الَّذِينَ يَتَحَرَّوْنَ الصَّلَاةَ عِنْدَهَا أو يبنون عليه أو يبنون عليها المساجد وهذا أشد أو الذين ينورونها لأن هذا وسيلة إلى الشرك بأن تعبد هذه القبور وتدعى من دون الله عز وجل فالقبور تترك كما كانت قبور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسرج ولا يبنى عليها أبنية وإنما تترك كما هي على حالها وترفع عن الأرض قدر شبر فقط ويوضع عليها نصايب لتعرف أنها قبور ولا يزاد على ذلك قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته يعني أزلت ارتفاعه أزلت ارتفاعه وسويته بالأرض لأن إشرافه وارتفاعه يغري الجهال بقصده لأن الشرك أسرع إلى قلوب الجهال من السيل إلى منحدره لأن شياطين الإنس والجن يزينون للناس هذه الأمور ويفتونهم بها فإذا كان القبر ليس فيه ما يلفت النظر ولا يعرف هل هو قبر نبي أو غيره فهذا أبعد عن الفتنة أما إذا قصد وعظم وجعل عليه بنية وزخارف ووضع عليه أنوار فهذا يصرف الأنظار إليه ويقول الجهال ما عمل فيه هذا الشيء إلا لأن له سرا فيقصدونه بالعبادة. Donc le cheikh il dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala qui maudit les femmes qui visitent les tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également maudit ceux qui prenaient ces endroits-là, c'est-à-dire les tombes, comme des lieux de prière ou des lieux de culte. Le cheikh il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui font exprès pour aller prier dans ces endroits-là en particulier, hein? Et ils construisent sur ces tombes-là des mosquées ou des lieux d'adoration, hein, des endroits pour aller prier. Et ça c'est encore pire, hein, que juste aller prier là-bas. Si tu fais construire quelque chose par-dessus pour que les gens viennent prier, ça c'est encore pire, hein? Ça c'est la religion des Shi'a Rafida et c'est la religion des Soufia. C'est eux qui font ça. C'est eux en général qui incitent à ce genre de choses. Donc ça c'est le danger dans ces pratiques-là. Et ces gens-là ont contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont contredit la sunna à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit également ceux qui éclairent les tombes. Donc tout ça c'est des moyens vers le shirk. D'aller prier dans ces endroits-là ou de faire construire des choses par-dessus pour aller prier là-bas ou bien également le fait de mettre des éclairages à ces endroits-là, tout ça, ça amène au shirk. Et ça amène au fait que les gens commencent à adorer ces tombes et à les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et il y en a dans certaines cultures, dans certains peuples également, ça fait partie de leur croyance de vénérer leurs ancêtres et d'adorer leurs ancêtres et de prier leurs ancêtres. Des fois, je passe dans des endroits proches de la mosquée, en tout cas dans un quartier, puis là-bas, tu vois, dans les maisons, il y a beaucoup de Vietnamiens qui habitent là-bas. Et puis, tu vois qu'il y a toujours cette lumière rouge là, avec des petites statues, puis avec des encens qui brûlent. Les gens, ils vénèrent les esprits de leurs ancêtres. Il y a la même chose aussi au Japon, puis dans d'autres pays, dans ces cultures-là. Donc, eux, ça fait partie de leur croyance d'adorer leurs morts et leurs ancêtres, et de les vénérer. Donc, tout ça, ça fait partie du shirk. Tout ça aussi, ça rentre dans le shirk. Donc, le shaykh, il dit, on n'a pas le droit de les invoquer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou de les adorer en dehors d'Allah. Les tombes, il dit, les tombes doivent être laissées telles qu'elles étaient, telles que les tombeaux des compagnons, les tombeaux des sahaba étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on doit laisser les tombes telles qu'ils étaient à l'époque des sahaba, sans rien dessus. Pas d'éclairage, pas de lanterne, pas de lumière, pas de chandelle. On construit rien dessus. Il n'y a pas de pierre tombale. Il n'y a pas de dôme. Il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas de mosquée par-dessus. On laisse la tombe telle qu'elle. C'est-à-dire, on creuse le trou, on dépose le corps à l'intérieur, on referme le trou avec la terre, et puis on la laisse telle qu'elle. On laisse seulement la terre qui dépasse un petit peu par-dessus, comme qui fait comme un genre de couverture. Puis il est permis de mettre également une pierre au début, puis à la fin de cette tombe, pour faire savoir aux gens que dans cet endroit-là, il y a quelqu'un qui est enterré. Mais sinon, à part ça, on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit sur la tombe. Ni de pierre tombale, ni de photos, ni d'écriture, ni de construction, ni quoi que ce soit. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça que les tombeaux des sahaba étaient, et on pouvait jamais distinguer la tombe d'une personne et d'une autre. Toutes les tombes étaient pareilles, identiques. On ne pouvait pas savoir la différence entre une tombe et une autre. Et qui était dedans? Est-ce que c'est un prophète? Ou est-ce que c'est un pécheur? Ou est-ce que c'est autre? On ne peut pas distinguer parce que tout le monde est enterré pareil. Et ça, c'est comme ça dans l'islam. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans? C'est tout à fait différent. Des fois, ils ont rajouté plein d'autres choses qui sont contraires à l'islam. Et même sont allés loin là-dedans. Ils ont fait juste le Taj Mahal, c'est le meilleur exemple, qui est considéré comme une des merveilles du monde par les kuffars aujourd'hui. Mais ça, c'est une construction qui a été faite sur la tombe d'une femme, pour vénérer soi-disant sa femme. Il a fait construire ce monument là par-dessus la tombe de sa femme, qui s'appelle le Taj Mahal en Inde. Donc tout ça, c'est de l'exagération, Et Allah al-musta'an. Donc le cheikh, il dit que donc la tombe, on doit la laisser telle qu'elle. Il dit, on n'a pas le droit de la faire surlever plus que la longueur d'une main du dessus de la terre. C'est-à-dire, la terre qu'on prend pour fermer le trou, elle ne peut pas dépasser plus que la longueur d'une main. Et on a le droit de mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, une pierre pour faire savoir aux gens que à cet endroit-là, il y a une tombe, pour pas qu'on marche dessus. Sinon, c'est obligatoire de raser tout ce qui dépasse ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est un hadith authentique, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne laisse aucune tombe surélevée, excepté que tu la nivelles, que tu la rases. Donc, quand il dit qabran musharrafan, ça veut dire une tombe qui a été surlevée, qui a été élevée. Soit parce qu'on a construit une mosquée par-dessus, ou bien qu'on a construit un monument par-dessus, ou un tombeau, ou un dôme, ou quoi que ce soit d'autre, hein, on doit le niveler au niveau du sol et le raser. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Illa sawaita » et « Taswiya » ça veut dire que tu le mets égal avec le sol. C'est-à-dire tu élimines ou tu enlèves tout ce qui est au-dessus, tout ce qui a été surélevé de la terre, et tu le nivelles au niveau de la terre. Parce que le cheikh dit, parce que le fait de l'élever, ça peut induire les ignorants en erreur, et ça peut les tromper. Ça peut leur donner l'idée qu'il faut essayer ou il faut aller à cet endroit-là spécifiquement pour adorer ou des choses de ce genre. Et il dit que la raison pourquoi il faut niveler aussi, c'est parce que le shirk, il rentre plus rapidement dans le cœur des ignorants. Et donc, il y a aussi les shayatin, les diables parmi les hommes et parmi les djinns, qui embellissent ces choses-là pour les gens et qui les tentent vers ce genre de pratique de shirk et qui les incitent à pratiquer ce genre de choses. Donc, lorsque la tombe est neutre et qu'il n'y a rien de spécifique qui la distingue des autres, hein, et qu'on ne peut pas distinguer est-ce que c'est la tombe d'un prophète ou d'autre qu'un prophète, alors ça éloigne plus facilement de la fitna. Hein. Mais donc ça c'est très important. Puis yani, comme certains s'imaginent, il y en a qui comme j'écoutais, je suis allé sur un site justement qui réfute les soufis, hein, et puis ils avaient mis une vidéo de Sha'raoui. Hein. Sha'raoui qui était un cheikh égyptien que beaucoup de musulmans écoutent. Parce que yani, les Égyptiens ils ont eu une grande influence dans le monde musulman à cause de leur cinéma et à cause de leur culture. Ils ont influencé beaucoup les musulmans. Malheureusement, beaucoup de ces gens-là, en Égypte, ils ont ramené beaucoup d'innovations dans le monde. Soit par le soufisme, ou bien soit à cause du groupe de la secte des frères musulmans, fondée par Hassan al-Banna. Donc, il vient de cette culture-là, beaucoup d'innovations. Et il y en a parmi les musulmans, pour eux, c'est la seule référence acceptée. Hein. Pour eux, si un cheikh n'est pas d'Égypte, hein, ils n'acceptent pas ce qu'il dit. Si un cheikh, eux, il détermine la vérité, selon de quel pays ça vient. Si un cheikh est saoudien, il ne veut rien savoir de ce qu'il dit. Même si ce qu'il dit c'est le Coran et la Sunna, ils vont jamais l'accepter. Et si c'est un shirk qui est de l'Égypte, ils vont l'accepter les yeux fermés, même si c'est des enseignements qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Hein? Et donc Sha'raoui, lui, il avait une émission dans laquelle il faisait soi-disant un tafsir du Coran. Et donc on lui a posé la question, est-ce que c'est permis de... je ne sais pas si on lui posait la question par rapport aux tombes qui sont construites sur les mosquées qui sont construites sur les tombes ou une mosquée dans laquelle il y avait une tombe ou des choses de ce genre. Et lui, il répondait en disant, ouais, il n'y a pas de problème avec ça, c'est permis. Et puis il disait, il y en a qui veulent interdire ça. Puis il mentionne le hadith, que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui font de la mosquée des mosquées sur les tombes de leurs prophètes ou des choses comme ça. Lui, il mentionnait ce hadith-là, il a dit, eux, ces gens-là, ils sont stupides, ils ne comprennent pas le hadith. Hein? Ils ne comprennent pas, il dit, ça ne veut pas dire ça. Hein? Donc, lui, il disait, de prendre la tombe pour une mosquée, ça veut dire quoi? C'est le trou où la personne a été enterrée, hein? Des choses de ce genre. Donc, il essaie de déformer l'interprétation du hadith et lui donner une autre signification. La même chose avec Ali Jumu'a, qui était, je pense, le mufti de l'Azhar. On lui a posé la même question, puis il essaie de répondre en disant, oui, c'est permis, il n'y a rien qui interdit ça. Puis de prendre la mosquée, de prendre la tombe pour lieu de pour lieu de culte ou de le prendre comme masajid, ça veut dire que tu vas, que des gens se prosternent devant les tombes, puis ça c'est pas permis, mais sinon c'est construit, c'est permis de construire des mosquées dessus. Donc des gens de fatwa comme ça que ces gens-là font et qui sont complètement erronés et contraires à la vérité. Et puis donc c'est pour vous dire que il y en a parmi les musulmans, ils écoutent ces gens de personnes qui parlent de religion et ils sont influencés par le prestige ou par la réputation de ces individus-là et par également le prestige de cette école, hein, de Al-Azhar. Et ils réalisent pas que c'est pas parce que on doit pas se référer par rapport au prestige ou à la réputation, mais plutôt on doit se référer aux preuves et aux références, et c'est ça qui est important. Donc comme je disais, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des, il peut y avoir des ulama et des grands imams et des shuyukh de l'Égypte, comme il peut y en avoir de Médine ou de Mecca ou de Riyad ou bien de la Syrie ou de, du Yémen ou de l'Irak ou de d'autres pays. C'est pas l'endroit qui est une référence. C'est pas le, hein, il y en a qui peuvent venir du Maroc ou de l'Algérie ou de d'autres pays. Les grands ulama, il y en a eu à travers l'histoire dans différents pays. C'est pas, l'important c'est pas de savoir de quel pays ce savant-là est, mais c'est de savoir est-ce que ses références et ses fondements, est-ce que il se base sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf al-salih, et est-ce que leur aqidah, c'est la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, la aqidah des salaf al-salih, ou bien ils se basent sur des idées qui sont sorties ou qui viennent de certaines sectes, hein, comme les Asha'ira, les Maturidiya, ou bien des Turq Soufiya, hein, ou bien il y a d'autres croyances qui sont à l'origine de différentes sectes, égaré et loin de l'islam. Donc tout ça c'est important, hein, il faut faire attention à ce genre de choses. Et alhamdoulillah que on a les ulama qui nous clarifient le tawhid et qui mettent en garde justement contre ce genre de pratique et ce genre de shirk. Donc le cheikh il dit donc c'est ça. Donc, lorsque toutes les tombes sont pareilles et sont toutes nivelées, ça, c'est plus, ça éloigne plus de la fitna. Mais lorsque on les élève, on construit des choses par-dessus, on les décore, on met des lumières dessus, ça attire le regard des gens. Et les gens qui sont ignorants, ils voient ça et ils s'imaginent que si on a fait ça avec ces tombes-là, ça veut dire qu'il y a un secret dedans. Et donc, ils pensent à les adorer, ces choses-là. فالواجب أن يتبع في القبور هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه غلو أو بناء أبنية أو إيقاد سرج أو كتابات أو تجسيس وغير ذلك كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit qu'est-ce qui est obligatoire, c'est que on suive la guidance du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم au sujet des tombes. Et donc on ne doit pas suivre l'exagération ou construire des bâtiments ou des monuments ou des mosquées par-dessus les tombes, ou de mettre des éclairages ou des lumières, des lampes ou des chandelles ou des choses comme ça, ou bien d'écrire, hein, sur les tombes, ou bien de mettre du plâtre ou bien de la chaux comme ça, comme ils font sur ces endroits-là qu'ils construisent, sur les dômes qu'ils mettent par-dessus les tombes, ou d'autres choses de ce genre. Donc, ils doivent laisser les tombes comme elles étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui est étonnant des fois, hein, parce que là, on a lu cette parole du Cheikh Al-Fawzan, et on remarque tout ça, que la sunna c'est toujours qu'est-ce qui est le plus simple et le plus facile à faire. Et malgré ça, les gens ne sont pas satisfaits de ça. Les gens veulent toujours se compliquer la vie et faire qu'est-ce qui est plus difficile. Et donc ça c'est vraiment étonnant, comment les êtres humains aime se compliquer la vie et il préfère la bid'a parfois à la sunna et le shirk au tawhid, hein, alors que c'est plus compliqué pour eux, hein. Donc ça c'est grave. Et comme je disais tout à l'heure à propos de ce que Ali Jumu'a et Al-Sha'rawi avaient dit, des choses comme ça, c'est comme je disais, c'est étonnant que des gens qui viennent de ce pays-là, comme l'Égypte, disent des choses pareilles, alors que dans ce pays-là même, il y a des ignorants qui chaque année vont faire des pèlerinages là-bas. Ils vont par milliers, même des, il y a chaque année environ 5 millions de personnes qui vont dans ces endroits-là pour faire des pèlerinages à ces tombes et qui égorgent des animaux pour ces tombes-là et qui les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des choses comme ça. Donc, on s'étonne de voir que ces gens-là critiquent ces choses-là. Allahu a'lam, peut-être qu'ils en retirent un certain apport économique. Et donc, à cause de ça, ils veulent continuer à encourager ce genre de pratiques-là, hein, de la même manière qu'on fait pour les pyramides, hein, et ce genre de choses. On fait revivre toutes les anciennes constructions de shirk pour encourager le tourisme et la visite de ce genre de monuments. Donc, c'est la même chose avec les tombes. Hein, ça fait rentrer de l'argent dans l'économie, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, ils louent des hôtels, ils font du tourisme en même temps, hein. Donc ça c'est grave ce genre de choses là. Nasallallahu al-afiyah. Donc alhamdulillah, quand on voit par exemple l'Arabie Saoudite, hein, avec la da'wa du tawhid, qui a enrayé complètement ce genre de pratiques païennes, ce genre de pratiques de shirk, qui a combattu ces manifestations d'idolâtrie là dans son pays, donc grâce à cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et puis ensuite la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala renforce cette da'wa et la fait propager dans tous les autres pays musulmans, pour que toutes ces tombes qui sont construites dans les pays musulmans que les gens adorent en dehors d'Allah soient toutes détruites, hein, et que les gens commencent à faire revivre le tawhid dans tous les pays où il y a l'islam. Nasallallahu alayhi wa sahil dhalika. Ensuite, il y a le point numéro 83, al-mas'alatu thalithatu wa thamanun. Le titre de ce point c'est Ukufuhum عند القبور. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit اتخاذ القبور أعيادا. C'est-à-dire que ces gens-là, ils se tiennent auprès des tombes et ils prennent ces tombes-là comme des lieux de fête, hein, et ils y reviennent régulièrement pour célébrer ou des choses de ce genre. Comme ils font par exemple dans qu'est-ce qu'ils appellent les mawasim, hein. Chaque année, ils font une sorte de réunion comme des pèlerinages, hein. Comme ils font à Mecca, ils veulent comparer ce qu'ils font à Mecca, ils le font à ces endroits-là. Subhanallah, hein. Et il y a ça dans plusieurs pays musulmans. Ils font ça pour des tombes. Et parfois c'est des choses qui sont faites officiellement, c'est-à-dire que c'est télévisé, puis il y a des délégations officielles de différents pays qui viennent pour ces occasions-là, puis de tout ça. C'est grave. Donc juste l'exemple de qu'est-ce qui se passe parfois au Sénégal, qu'est-ce que les mourides font à Touba, hein, avec la tombe de leur cheikh Ahmadou Bamba qui est enterré dans leur mosquée, hein, ils font le comme je pense qu'ils appellent ça le magal ou quelque chose comme ça, et la même chose ils le font au Maroc, puis en Algérie, puis dans d'autres pays aussi, lorsque c'est l'anniversaire de naissance du fondateur d'une tariqa ou quelque chose de ce genre, eh bien ils profitent pour aller faire des pèlerinages à ces endroits-là. Et puis, souvent, c'est accompagné d'une foire, hein, avec des jeux, de la musique, de la danse, de la nourriture, hein, et toutes sortes d'autres pratiques. Tout ça même avec, sans parler des, du zina et des, de l'alcool ou des péchés qui sont réunis avec ça. Et ils font la même chose. Et je me souviens même, même les koufars, ils font ça aussi, la même chose. Et quand je me rappelle en Haïti, ils faisaient ça la même chose. Dans certaines villes, dans certains villages, à chaque année, ils vont faire des pèlerinages, vaudou, pour aller adorer leur djinn, leur shayatin, et puis pour aller vénérer certains lieux ou certains endroits, ou certains objets, certains arbres, certaines pierres, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est basé sur le shirk. Donc, le Cheikh explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-A'yad, jam'u Eid, wa huwa ma yatakarrar wa ya'ud, wa huwa yanqasimu ila qismain. عيد زماني كعيد رمضان وعيد الأضحى والقسم الثاني عيد مكاني وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة أو على مدار الأسبوع أو على مدار الشهر يجتمع فيه للعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعل قبري عيدا يعني مكانا للاجتماع حوله والعكوف حوله والتردد عليه وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني فليس للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره خاصية بل صل عليه في أي مكان في المشرق أو المغرب في أي مكان صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك يبلغه ذلك أو يبلغه ذلك. Le Cheikh il dit qu'est-ce qu'on appelle A'yad, c'est le pluriel de Eid. A'yad, c'est le pluriel de Eid. Et c'est quelque chose qu'on dit de tout ce qui se reproduit et qui revient. Hein? Soit hebdomadairement, ou soit mensuellement, ou soit annuellement, ainsi de suite. Donc, le Cheikh, il dit que Al-Eid, c'est quelque chose qui est divisé en deux catégories. La première catégorie, c'est le Eid dans le temps, un Eid temporel, dans le sens que c'est quelque chose qui se reproduit tout le temps, qui revient tout le temps dans le temps, comme le Ramadan, comme Eid al-Adha, Eid Ramadan, Eid al-Fitr, hein, et ainsi de suite. Le Jumu'ah, par exemple, qui revient à chaque vendredi. Hein. Donc ça, c'est des exemples. Et une deuxième catégorie de Eid, c'est l'Eid al-Makani, dans le sens que c'est un endroit dans lequel les gens se réunissent à travers, soit annuellement, ou soit hebdomadairement, ou soit mensuellement, ainsi de suite. Ils se réunissent dans le but de faire une adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de ma tombe un lieu de Eid, un endroit où vous vous retrouvez, où vous tenez de, autour et que vous revenez constamment. Donc ne faites pas de ma tombe ce genre de choses. Et il dit ensuite, et ça c'est rapporté par Abu Daoud et c'est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', Hadith 7226, et il dit ensuite, c'est-à-dire, envoyez vos invocations et vos, dans le sens que vous envoyez vos bénédictions, votre salat et votre salam sur moi de là où vous êtes. Hein? C'est-à-dire que on envoie notre salut et notre bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De où on est. Quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, hein, des exemples comme ça. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire des invocations et plutôt de bénir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le mentionner, hein, auprès de ses anges, ainsi de suite. Donc ça c'est, qu'est-ce qu'on demande? Et c'est différent de ce que font certains parmi les égarés ou les ignorants qui adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des prières et qui lui demande des choses à lui directement. Ça, c'est shirk. Hein? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, d'envoyer la bénédiction et de pardonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on invoque, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là. On dit sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc on s'adresse à Allah seulement, on ne s'adresse pas du tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les gens, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Les mouchriquins, ils s'adressent directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui demandent des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien qu'est-ce qu'ils font également comme innovation? C'est qu'ils demandent à Allah par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une innovation. Ça, c'est une bid'a. Hein? C'est pas shirk, mais ça peut mener les gens à tomber dans le shirk. Hein? Donc, c'est dangereux, ce genre de pratique-là. Et c'est pas en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni avec l'exemple des sahaba. Hein? Donc, le shaykh, il dit, donc, envoyez votre salat wa salam sur moi de où est-ce que vous êtes, et ça va revenir sur moi, c'est-à-dire ça va m'atteindre, hein, je vais le recevoir. Et il a dit, donc il n'y a aucune particularité d'envoyer la salat et le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa tombe, puisque peu importe où tu es, quand tu le fais ou quand tu le dis, ça va être transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu sois en Orient ou en Occident, hein, peu importe de quel endroit, hein, peu importe de quel endroit tu es, il y a un ange qui lui transmet son salam. Donc il dit wa tikraru ziyaratihi wal julusi indahu min ittikhadhihi aidan wa huwa ya'ulu ila ash-shirk fa ahlu al-jahiliyya yattakhidhuna qubur as-salihin a'yadan ويجتمعون حولها ويعكفون عندها كما هو الآن حاصل عند قبر البدوي وغيره يأتيه الزوار من كل مكان ويجلسون وينصبون الخيام ويذبحون الذبائح ويقيمون الأيام عند قبر البدوي أو غيره وهذا من دين الجاهلية وإذا كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم منهيا عن الاجتماع حوله والتردد عليه فكيف بقبر غيره لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. Donc le cheikh, il dit de refaire toujours des visites à sa tombe et de s'asseoir auprès de sa tombe, hein, et de prendre sa tombe comme lieu de visite annuelle ou des choses comme ça, tout ça, ça amène les gens à tomber dans le shirk. Et c'est ce que faisaient les gens de la Jahiliya. Ils prenaient les tombes des hommes pieux comme lieu de fête ou lieu de visite annuelle, hein, ou mensuelle, ou ainsi de suite. Et ils se réunissaient donc autour de ces endroits-là pour adorer, pour prier, pour faire des adorations. Comme c'est le cas aujourd'hui maintenant, hein, à la tombe de celui qu'on appelle Al-Badawi, hein, qui est en Égypte, qui est un saint là-bas qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on disait tout à l'heure à propos de l'Égypte. Donc les gens, ils viennent le visiter de partout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-bas, ils s'assoient, ils mettent des tentes, et puis ils égorgent les animaux pour ce saint, soi-disant, qui n'était même pas un saint en fait. Et ils restent là-bas pendant des jours, hein, auprès de la tombe d'Al-Badawi ou bien d'autres personnes, d'autres parmi les soi-disant saints. Tout ça, ça fait partie de la religion de la Jahiliya. Hein? Et qu'est-ce qui se passe au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ailleurs, hein, en Libye, en Égypte, en Irak, en Iran, et dans d'autres pays, en Afghanistan, et partout ailleurs, il y en a dans tous les pays, même en Afrique de l'Ouest. Hein? Tout ça, c'est la même chose. Hein? Des musulmans qui vont dans ces tombes-là pour faire ça. Et chaque pays, ils ont leur pèlerinage ou leur pèlerinage national ou un pèlerinage régional à chaque année, à différents moments de l'année. Ils célèbrent la naissance de leur cheikh ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça fait partie des exemples de la religion de la jahiliya. Et le cheikh, il dit, et si la tombe, si c'est interdit de faire ce genre de choses auprès de la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de se réunir autour et de visiter, de revenir constamment pour la visiter, des choses comme ça, alors que dire des autres tombes, hein? Ça, c'est un moyen parmi les moyens qui amènent les gens à faire le shirk. Et donc ça, c'est très dangereux. Et alhamdulillah, maintenant, qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? Autour de la maison de Aïcha, radiallahu anha, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré, hein, il y a une clôture qui empêche les gens de venir faire le tour. Hein. Et donc, le but, comme on expliquait déjà, pour aller quand on va à Médine, le but c'est pas de qu'on va là-bas dans le but de visiter la tombe, puisque de toute façon tu peux même pas rentrer là où il y a la tombe. Hein. Le plus proche que tu peux aller, c'est là où il y a les murs de la maison d'Aïcha, radiallahu anha. Hein? Et même ça, peut-être qu'elle est entourée d'un mur lui aussi. Donc, elle est entourée, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un mur. Et à la base, elle n'était pas là. Elle n'était pas, c'est-à-dire, à la base, c'est pas la tombe qui n'était pas là, mais à la base, c'est la mosquée qui n'était pas là. Et les gens aujourd'hui, ils s'imaginent que le fait que la maison d'Aïcha radiallahu anha soit inclue à l'intérieur de la mosquée, que ça c'est une preuve qu'on a le droit de faire ça avec les tombes des hommes pieux. Alors que ça n'a rien à voir, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été enterré dans la maison d'Aïcha radiallahu anha, la maison d'Aïcha n'était pas dans la mosquée à ce moment-là. Et puis c'est des siècles après, hein, que la maison, l'expansion de la mosquée a inclus par la suite la maison. Mais à la base, elle n'était pas à l'intérieur. Donc, ceux qui utilisent ça comme argument aujourd'hui, puis qui essaient de prétendre que ça c'est la preuve qu'on a le droit de faire ça avec les hommes pieux, ça c'est un faux. Ils n'ont pas de preuve pour ça, et c'est un faux argument qu'ils utilisent pour tromper les gens. Hein? C'est comme si ils essaient d'utiliser un fait qui s'est produit bien longtemps après l'époque des Sahaba pour essayer de justifier un acte qui est contraire aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà à la base, on voit que c'est complètement absurde et ridicule ce genre d'argument. Le cheikh, il dit, وَلَمَّا سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبَوَانَ اسْمُ مَوْضِعٍ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم أي اجتماع يجتمعون فيه قالوا لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Donc le cheikh il dit al-shahid qawluhu hal kana fiha eidun min a'yadihim ay eidun makani fadalla ala annahu la yajuzu ittikhadhu makanin mukhassas lil'ibada illa ma khassasahu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam kal masajid wa masha'ir al-hajj wal-umrah wa ma 'adaha fal-ard kulluha sawa kama qala sallallahu alayhi wa sallam وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Donc le cheikh, il dit, lorsque un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller égorger un, est-ce qu'il pouvait aller égorger une chamelle à un endroit qui s'appelait Bawana. Pourquoi? Parce que il avait fait un vœu, et ce vœu-là s'est exaucé. Alors, il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un vœu, et le vœu s'est exaucé. Et en échange, il devait sacrifier un chameau, une chamelle, à un endroit spécifique qui s'appelle Bawana. Et il est allé demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il peut aller égorger ce chameau à cet endroit-là, cette chamelle à cet endroit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une question. Est-ce qu'il y avait à cet endroit-là une idole, parmi les idoles de la jahiliya que les gens adoraient? Il a répondu non. Il a dit, est-ce qu'il y avait une réunion à cet endroit-là, une célébration, les gens se réunissaient à cet endroit-là, dans la jahiliya? Il a répondu non. Alors il dit, dans ce cas-là, dans ce cas-là, alors tu peux, exécuter ou aller répondre à ton vœu, ce que tu dois faire pour ton vœu qui a été exaucé. Et il a dit qu'on ne doit pas, par contre, on ne doit pas respecter ou faire un vœu lorsque c'est un vœu de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un a fait un vœu de désobéir à Allah, il n'a pas à respecter ce vœu-là, de même que de faire un vœu de donner ou de faire quelque chose à quelque chose que tu ne possèdes pas ou que le fils d'Adam ne possède pas. Donc tu ne peux pas faire un vœu de donner ou de faire ce qui ne t'appartient pas. Donc ça, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans ce hadith. Ensuite, donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on a voulu prouver en mentionnant ce hadith-là? C'est le point suivant. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé à cet homme la question, est-ce qu'à cet endroit-là, il y avait un rassemblement parmi les rassemblements que les gens font annuellement que les gens faisaient annuellement dans la jahiliya ou régulièrement? C'est-à-dire, est-ce qu'à cet endroit-là, les gens se réunissaient pour célébrer quelque chose? Donc, est-ce que c'était un endroit de Eid, un lieu de Eid? Ça, c'est la preuve qu'il n'est pas permis de prendre un lieu spécifique pour faire une adoration si Allah subhanahu wa ta'ala et son messager n'ont pas désigné cet endroit-là particulièrement comme étant un lieu de culte. Comme par exemple les mosquées, ou bien les endroits, les rituels du Hajj et de la Umrah, à la Mecque, et à Arafat, et à Muzdalifa, et à Mina, et ainsi de suite. Sinon, le reste de la terre est pareil, est égal. Il n'y a pas un endroit qui est meilleur qu'un autre, en dehors de ça. Tous les autres sont équivalents. Et il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit que la terre a été mise pour moi comme mosquée et elle a été rendue également purifiante. Pure et purifiante. Donc ça, c'est l'explication à ce sujet-là. On peut lire encore le point numéro 84. تقربهم إلى الله بالذبح عند القبور. Le fait qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des sacrifices et en égorgeant des animaux là où il y a les tombes. Donc, le cheikh explique, il dit, ça c'est le point 84, الذبح عند القبور. Ils égorgent ou ils sacrifient un animal près d'une tombe. Le cheikh il mentionne, il dit, قال الله تعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالذبح عبادة لله. Donc le cheikh il mentionne des versets dans le Coran, le verset 2 dans sourate Al-Kawthar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui, égorge pour lui, un sacrifice. Et il dit également le verset 161 et 162 dans Sourate Al-An'am. Il dit, la religion d'Abraham, qui était Hanif et qui n'était pas du nombre des mouchriquins, dit, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Donc, le sacrifice, ça fait partie de l'adoration d'Allah, de sacrifier un animal et de l'égorger pour Allah. C'est une adoration. Il dit donc, والذبح عند القبور إذا كان تعظيما لها فهذا شرك أكبر. Si on égorge un animal et on sacrifie près d'une tombe et qu'on le fait dans le but de vénérer cette tombe ou de respecter, de montrer du respect à cette tombe, alors ça c'est une forme de shirk majeur. وإذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. Il dit, mais si quelqu'un a égorgé un animal pour, par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il l'a fait à cet endroit-là, auprès de la tombe, parce qu'il pense que c'est une chose qui est légiférée, alors dans ce cas-là, ça devient une innovation et ça devient un moyen vers le shirk, quelque chose qui amène au shirk. فلا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله. Donc le cheikh dit, il n'est pas permis d'égorger un animal ou de sacrifier un animal près d'une tombe ou près des tombeaux. Même si la personne qui fait le sacrifice ou qui égorge l'animal ne croit pas du tout en quoi que ce soit par rapport aux tombes. Hein? Mais qu'il le fait, et même s'il le fait uniquement pour Allah, il n'a pas le droit de le faire à cet endroit-là. لأنه إذا اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها دون الله عز وجل. Il dit, si les gens prennent l'habitude d'égorger près des tombes, ça va amener au fait que les gens vont commencer à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك الذبح للجن لابتقاء شرهم أو للعلاج فهذا شرك بالله. Il dit de même que les gens qui égorgent des animaux pour les djinns, hein, soit pour se protéger de leur mal ou bien pour un remède, comme font les mushrikines, comme font les voodooisants, comme font beaucoup de gens qui se disent musulmans dans les pays musulmans, hein, quand ils construisent une maison ou quand ils commencent un projet, ils égorgent un animal à cet endroit-là pour éloigner les djinns ou bien pour chercher la faveur des djinns ou pour se protéger des djinns. Tout ça fait partie du shirk. Il dit, أما الذبح للأكل أو الذبح لإكرام ضيف إكرام ضيف فيذكر عليه ويذكر عليه اسم الله فهذا لا بأس لأنه من العادات لا من العبادات. Il dit, en ce qui concerne de dégorger un animal pour la nourriture ou pour honorer un visiteur, un invité qu'on a, et on mentionne le nom d'Allah, ça, il n'y a pas de problème. Parce que ça fait partie des habitudes et non des adorations. Ça, c'est des choses de la dunya, pas des choses de l'adoration. Amma zabh al-udhiya, wa zabh al-aqiqa, wa zabh al-lazi yuqsadu bihi al-ibada, fahada ibadatun lillah, wa la yuzbahu limakhluq. تعظيما له تعظيم عبادة ولا يذبح عند قبر مخلوق لأن هذا يؤول إلى عبادته. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait de sacrifier un sacrifice quelconque ou bien de sacrifier pour une aqiqa lorsqu'il y a une naissance, hein, donc ça c'est une adoration qu'on fait et c'est une adoration. C'est un sacrifice qu'on fait et c'est une adoration. Et ça, on doit le faire pour Allah seulement. Hein? C'est-à-dire, on le fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pas pour une créature, ou pour honorer cette créature, ou élever cette créature, hein? Comme on le fait pour une adoration. Hein? C'est-à-dire, on le fait pas pour. On ne doit pas le faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, on ne le fait pas non plus près d'une tombe. Parce que ça peut amener à adorer cette tombe. Ça peut amener les gens à adorer cette tombe. Allah musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis on continuera au prochain cours. La suite de ces Masa'il al-Jahiliya. Inch'Allah. Et donc demain on commencera le cours, le nouveau cours demain lundi inshallah, le nouveau cours qu'on va commencer. Bon, j'avais dit la semaine passée qu'on allait peut-être commencer une autre risale de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abdad. On va voir demain, Inch'Allah, la décision définitive, qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.